Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Tu es sur la chaîne où l'on parle d'investissement rentable et sécurisé. Dans cette nouvelle vidéo, je vais répondre à une question. Faut-il investir dans une petite ville ou dans une grande ville? Avant de démarrer cette nouvelle vidéo, laisse-moi me présenter. Je m'appelle Damien, j'ai créé la chaîne Esprit Gagnant pour aider le maximum d'investisseurs à devenir rentables. J'ai mis en place une formation sur l'investissement locatif de A à Z. Tu pourras la télécharger gratuitement. Le lien se trouve dans la description au-dessus ou en dessous de la vidéo. Tu me mets juste ton prénom et ton email et je te l'envoie dans la foulée. Donc, dans cette vidéo, on va voir deux stratégies différentes mais qui peuvent être largement complémentaires. Faut-il investir dans une grande ville ou dans une petite ville? Et en fait, j'ai envie de dire, plus important au début en tout cas, c'est surtout d'investir proche de chez toi pour limiter le risque, pour limiter la démotivation et pour vraiment passer à l'action. Donc, hein, je l'ai déjà dit dans plein de vidéos, on investit d'abord, on essaye en tout cas d'investir d'abord proche de chez soi, dans un endroit où on connaît vraiment, comme ça on ne va pas avoir trop de croyances limitantes qui vont se mettre dans ta tête au dernier moment juste avant de passer à l'action et de faire ta proposition, ton offre d'achat. Maintenant voilà, entre investir dans une petite ville et investir dans une grande ville, en fait il faut juste voir, il y a des avantages de chaque côté, je vais te les donner, et il y a quelques inconvénients de chaque côté. Alors, investir dans une grande ville, premièrement, c'est super liquide. C'est quoi un bien super liquide? C'est un bien qui peut se revendre pratiquement du jour au lendemain, ou voire en un mois maximum. Donc si tu investis dans une grande ville, ton bien il est super liquide. C'est-à-dire demain, par exemple, tu n'as plus envie de faire d'immobilier parce que ça te saoule. Parce que bah, tu en as marre, ou alors parce que tu veux tout revendre pour partir vivre à un autre endroit dans le monde et que l'ensemble de tous tes biens va te permettre de sortir avec 1 ou 2 millions d'euros par exemple en cash et de pouvoir partir à l'autre bout du monde. Avec un bien liquide, tu peux le faire, tu peux changer ta stratégie pratiquement du jour au lendemain, il n'y a pas de souci avec ça. Donc, c'est vraiment le gros avantage pour moi du bien liquide, c'est. Le gros avantage du bien dans la grande ville, c'est que c'est très liquide. Et à côté de ça, normalement dans une grande ville, l'augmentation du prix devrait être plus importante. Hein, tu vois, c'est ce qu'on appelle, entre guillemets, c'est souvent on te dit un bien patrimonial. Hein. Un investissement patrimonial, c'est un investissement en fait où ta rentabilité va être un peu moins forte, mais ça va prendre de la valeur au fur et à mesure de manière beaucoup plus importante. Si je prends l'exemple, je prends l'exemple d'une ville comme Lyon. Lyon, c'est une ville qui augmente énormément. La rentabilité n'est pas forcément énorme. Par contre, tu peux avoir un peu de cash flow et à côté de ça, tu peux avoir un bien qui augmente et selon ta stratégie de sortie, et ça c'est très personnel. Donc, par exemple, si tu as une stratégie de sortie à 10 ans, ça peut être très intéressant d'aller vers des villes assez liquides et qui vont prendre de la valeur au fur et à mesure. Maintenant, si tu veux une grosse rentabilité, du gros cash flow dès le premier jour, aujourd'hui, maintenant, il faut plutôt aller vers des plus petites villes où il y aura une liquidité, les biens seront moins liquides, certes. Par contre, ta rentabilité va exploser. Pourquoi? Parce que tu prends un risque plus gros, parce qu'il y a moins d'investisseurs qui vont se positionner sur ces biens, parce que tu as moins aussi de personnes qui vont se positionner en tant que résidence principale. Hein, ce qui fait augmenter le prix dans les grandes villes, c'est que tu vas être en concurrence, toi investisseur rentable, tu vas être en concurrence avec beaucoup de personnes qui veulent acheter leur résidence principale. Et du coup, ces gens-là, ils ont, hein, je parle de biais émotionnel, ils vont faire entrer beaucoup d'émotions dans l'achat de leurs biens, donc ils vont pouvoir potentiellement augmenter le prix de manière inconsidérée par rapport au bien. Maintenant, comme j'ai déjà dit, pour une résidence principale, c'est pas forcément la même chose parce que c'est pour y vivre. Moi, j'ai aucun problème, par exemple, pour une résidence principale à augmenter le prix parce que je veux kiffer dans la vie et c'est l'endroit où je vais vivre, donc peu importe à la limite. Hein, ça, c'est mon point de vue, il y en a plein qui ne partagent pas ce point de vue, mais c'est le mien. On n'a qu'une vie, il faut kiffer. Et j'ai pas envie, j'ai l'image du corbillard et ça sert à rien d'avoir une mallette remplie de billets qui suit le corbillard le jour où où tu décèdes. Donc il faut aussi kiffer dans la vie et dépenser ton argent pour acheter des choses qui te font kiffer. Si c'est une résidence principale, il n'y a pas de problème, bon, on s'égare un petit peu. Donc on va revenir au sujet. Donc petite ville, grosse renta, gros cash flow, moins liquide. Maintenant si tu te dis voilà, moi, mes biens, je les veux pour toute ma vie. C'est juste, c'est pour aujourd'hui que ça me fasse un gros cash flow, que demain, ça se substitue à mon salaire, que ça puisse être potentiellement une retraite. Hein, le mot retraite, un jour, va disparaître et il faudra bien évidemment qu'elle devienne privée. Donc, il faudra trouver des moyens alternatifs. C'est bien pour ça qu'on se bat, nous, les investisseurs rentables, pour ne plus être dépendant d'un système qui, de toute façon, va faire faillite. Donc voilà, ça peut être très intéressant par rapport à ça, mais dis-toi que ça va être plus difficile de le revendre si jamais tu changes de stratégie ou tout simplement si tu en as marre de l'immobilier. Ce que je te conseille maintenant, c'est tout simplement, et j'adore dire ça pour diluer le risque, d'acheter dans des petites villes, dans des moyennes villes et dans des grandes villes, de diversifier tes placements, tes investissements immobiliers. Donc, numéro 1, tu vas commencer par investir proche de chez toi, petite ville ou grande ville, pour moi, peu importe. Par contre, tu investis dans un endroit que tu connais. Une fois que tu as commencé à investir dans un endroit que tu connais, un, deux investissements, tu vas pouvoir du coup, si tu as commencé ces investissements dans une petite ville ou moyenne ville, tu vas pouvoir aller investir un ou deux biens dans une grande ville. Tu vas avoir un cash flow un peu moins élevé, c'est pas grave, au pire, tu pars sur 25 ans de prêt immobilier et pour augmenter un petit peu ton cash flow, mais du coup, tu vas diluer ton risque. Tu vas avoir un ou deux biens liquides, deux biens moins liquides. Dans l'ensemble, du coup, si tu as un problème de vie, parce que ça peut aussi arriver, si tu as besoin d'argent, tout de suite, tu sais qu'il y a une partie de ton patrimoine immobilier que tu peux vendre immédiatement. À côté de ça, tu sais aussi que tu as des biens qui vont te rapporter directement un cash flow super important. Donc voilà, ce qui est le plus important à retenir dans cette vidéo, c'est de ne pas rester sur une seule stratégie, de mutualiser les différentes stratégies. Il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre. Il y en a une qui va te donner, par exemple, plus de liquidité, mais moins de rentabilité, moins de cash flow. Il y en a une qui va te donner moins de liquidité, mais plus de rentabilité, plus de cash flow. Il faut juste mixer l'ensemble. Et surtout, le plus important, c'est de passer à l'action. Toutes ces questions-là, c'est super important. Mais si à la fin, tu as zéro bien, du coup, tu n'auras jamais investi et ça ne sert à rien de savoir la réponse à cette question. Donc, ce que je te préconise, c'est de passer à l'action dès maintenant, d'aller sur le bon coin, d'aller sur ce loger, d'aller regarder, scanner toutes les offres qui sont dans un endroit que tu te seras fixé. Dis-moi un petit peu dans les commentaires si tu es vraiment là, si tu es prêt à passer à l'action. Tu mets un go Damien, je vais passer à l'action. Tu m'as surmotivé avec cette vidéo et j'ai envie de tout exploser dans les rentabilités que je veux faire et de me construire un patrimoine immobilier qui va tout exploser. Donc voilà, en tout cas, si tu as aimé cette vidéo, mets-moi un gros like. Tu peux la commenter, me dire si tu es d'accord ou pas avec moi. Tu peux la partager à des amis investisseurs. Et surtout, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, tu peux le faire tout de suite. Ça te permettra de ne louper aucune des prochaines vidéos. C'est du contenu de qualité et complètement gratuit. En tout cas, d'ici là, porte-toi bien, surtout, passe à l'action, kiffe la vie. Et je te dis à très bientôt. Ciao, ciao!